Ah!

donné pour moi. Il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la mort. Pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus. Prière au retour, car tu es béni chez le tien et les tiens n'étant pas reçus. Mais à cause du sang versé sur la croix, tu as fait avec moi une alliance de sainteté. C'est pourquoi, Jésus, je t'aime. Yeah. aimait le monde, il a envoyé son fils unique. Et son fils nous a montré son amour sur la croix. C'est en lui que nous devons fonder notre espérance. C'est lui qui a la clé de l'amour. Sakayo, mokeli na bango, na loye mokitoko. Ebongo ngai moto yo kelaki, na elilingi na yo. Ndenge nini na hakumisa yo te, mokeli na nga. Yo bongi na nyonso yawe, kumama kolo na nga. Papa nana, zambe na bikama, yonde, na yonde mabele zwa maboko papa, otumoli na tango na yo, zambe, Yo, tongo nyosonga na la mukaka na yebakate ndenge nini ngai na lungwaka na pongi pola zonga na bomboy wana etali siete yo simbi bomboy na ngai na sela moi ngai na pesa yo nini tala makama oyo ebele elinga kikome manga na kufa yawe yo longola liboso na ngai Na tomboli mongo mpe maboko Pola kokumisa yo nkolo na ngai Ekumama yo Aina fukami yonde otelemi Pona koyanola Ekolo na ngai Yo simbi bomo ina ngai Kumama ya Mama, mama, mama, mama, mama, banyoka ya Pharaon. Kufali kolo na nzete pesi bombo. Na makila yo kokisi lisiko na nga Yesu. Ebongo bakota na yo maladi na nga esi. Na inakoma mulongi yo matisanga na ngomba. Bona libela Bambuna bakangi mpona koko kisa kufana yaya. Kasi komi natango ya lise kwa babongo li maloba wongo. Yesu kati na biso elikia na kembo basa mtuto koti lola. Elongalanda yokuma.